Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne, en direct de 18h à 19h sur le 107. Pour cette émission de ce soir, on va parler écologie, on va parler amour de la nature et on va parler bien entendu combat, rassemblement, appel, plus précisément vu qu'on va parler du mouvement Nous voulons des coquelicots en présence de Michel Claudel et de Daniel Valentin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant toute chose, j'aimerais peut-être, il me semble en tout cas, Daniel, que vous n'êtes pas votre première arrivée à Radio Gémozo. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Michel. Oh, je suis passé une fois, mais il y a déjà quelques temps. Peut-être pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, je peux peut-être vous proposer de vous présenter à nouveau chacun à votre tour, qu'on vous situe par rapport au mouvement Nous voulons des coquelicots, qu'on présentera juste après. Michel, à vous la parole, peut-être ? Ah ben j'ai comme beaucoup de monde un ordinateur. J'ai reçu des emails tout le temps. Puis j'en ai reçu un là, c'était un appel. Je ne connaissais pas ça du tout. Nous voulons des coquelicots. Et puis je m'y suis intéressé, j'ai regardé, j'ai ouvert un peu tous les liens, j'ai lu ce qui se disait, et qui concernait bien sûr l'arrêt des pesticides, stop aux pesticides. Et ce mouvement national qui était lancé. Aussi pour tout le monde dans tous les villages, rassemblement tous les mois. Et moi, ça m'a branché immédiatement et je me suis dit, ça, si on ne bouge pas là, c'est foutu, c'est tous les citoyens et on ne s'occupe pas du politique. Et on va montrer qu'on est nombreux à entrer dans l'action. Et puis, c'est parti comme ça, on va voir ce que ça va donner. C'est parti comme ça en ce qui vous concerne et vous, Daniel ? Très simplement aussi, j'ai vu par internet donc ces messages de cette association Nous voulons des coquelicots. En parallèle de ça, je tombe par hasard dans une librairie. Il y avait le magazine Charlie Hebdo, que vous connaissez peut-être. Oui. Et donc qui a fait un numéro spécial sur ce mouvement Nous voulons des coquelicots. À ce journal est adjoint un coquelicot que j'ai ici. Et que tout un chacun peut se procurer en allant sous le site Nous voulons des coquelicots. Et nous parlerons tout à l'heure, comme quoi effectivement nous pouvons mettre à disposition des gens, nous en aurons à soumettre à la vente, naturellement. Mais on parlera de toutes ces choses, de tous ces signes distinctifs ou de vos sites internet et pages Facebook un petit peu plus tard dans l'émission. Ne vous inquiétez pas et de toute façon, en fin d'émission, le site internet et la page Facebook seront indiqués comme d'habitude. Mais avant toute chose, oui, j'aimerais bien qu'on définisse en fait... qu'est-ce que le mouvement du Nous voulons des coquelicots précisément. Alors tout simplement, je vais vous lire ce document dont les initiateurs nous demandent de lire. Donc, c'est bienvenue aux amis des coquelicots. En fait, c'est un appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides. Ce qui suit est un texte de l'association Nous voulons des coquelicots. Notre mouvement est celui de la vie en marche et rien ne l'arrêtera plus. Êtes-vous 10 ce soir, ou 100, ou 1000? Quel que soit votre nombre, recevez l'association Nous voulons des coquelicots, un virant merci. Je suis ennuyé avec ma page, là. Ah, c'est cette super dans ces notes. Bon, je suis désolé, j'ai... Voilà. Mieux, comme on dit ailleurs, un abrazo, c'est-à-dire une étreinte, une accolade. Notre mouvement est avant tout celui d'humains, parlant à d'autres humains, sur un ton différent de celui des langues de bois habituelles. Notre mouvement est celui de la vie en marche et rien ne l'arrêtera plus. Nous nous devons quelques explications. Nous ne savons plus, nous ne voulons plus savoir comment tout a commencé. Et c'est très bien, car tout ce qui se crée autour de nous appartient aussitôt à tout le monde. Disons que nous avons été saisis, emportés par le besoin d'agir enfin, sans chef ni argent, simplement parce que nous n'avons plus le temps. Nous savons, et vous savez que de merveilleuses formes vivantes sont envoyées au tombeau par la dissémination des pesticides. Inutile de trop insister, car si vous êtes là, c'est que vous en savez autant que nous. Mais nous voulons dire l'obligation qui nous est faite d'unir toutes les forces sociales et morales disponibles. Nous prônons un sursaut. N'ayons pas peur des mots. Nous souhaitons un sursaut historique qui montrera enfin à ceux à qui gouvernent que cela ne peut plus durer. Ce qui est en jeu est sacré et ne saurait être négocié avec qui que ce soit. Nous sommes et nous serons chaque jour un peu plus le peuple, celui qui, dans un pays démocratique, fait la loi. Tant de désillusions parsèment le chemin de la liberté. Sincèrement, nous n'avons plus l'espoir que la solution puisse surgir de la politique classique. Toutes les tendances ont accepté ou défendu l'invasion du monde par les pesticides. Nous en sommes encore à discuter de l'interdiction du glyphosate, alors qu'une toute nouvelle étude montre que ce poison de Monsanto s'attaque aussi, comme les néonicotinoïdes, interdits depuis le 1er septembre, aux abeilles. La vérité qu'il ignore encore, l'industrie des pesticides se renforce d'année en année, malgré les preuves du crime, et trouve assez d'appui dans l'administration de l'État français pour commercialiser 3 molécules quand une seule est interdite. Amis des coquelicots, avez-vous entendu parler des SDHI, ces pesticides utilisés massivement sur le blé des plaines? Non, probablement. Les scientifiques de l'INRA, de l'INSERM, du CNRS pensent qu'ils sont la cause de très graves maladies chez les enfants et les adultes. Combien faudra-t-il de morts? 1 million? 5? 10? Mais notre appel ne s'intéresse pas seulement aux hommes. Tout ce qui est vivant est désormais contaminé et menacé. Les oiseaux, les insectes dont nos sublimes abeilles, les papillons, les eaux. Est-ce possible? En tout cas, c'est devenu insupportable. Et parce que c'est devenu insupportable, il faut se lever sans plus attendre une seconde. La mobilisation que nous menons avec vous n'a pas de précédent. Cette ruse est souvent utilisée pour mobiliser les troupes, mais nous pensons en effet que nous créons une coalition toute nouvelle. Ce mouvement nous oblige tous à sortir de ce que nous sommes d'habitude. Oui, il faut un peu s'oublier, trouver du temps et de l'énergie pour une cause supérieure à nous tous. C'est compliqué, c'est évidemment difficile, mais nous vous le disons sans hésiter. Sans un mouvement personnel constant, héroïque, lâchons le mot, l'appel des coquelicots apparaîtra demain comme une dérisoire tentative. Notre objectif est limpide, fort de 5 millions de soutiens. Nous contraindrons nos gouvernants. Comment? Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais soyez certains que nous avons beaucoup à dire sur la question. Au-dessous, nous en resterions à une pétition que nous considérons comme une antithèse de notre appel. L'appel des coquelicots est en effet un appel à l'action, et retenez bien ces mots. Le 5 octobre n'est que le premier. Donc il y a eu une première réunion le 5 octobre, à laquelle nous avons participé à Épinal. Le premier de 24 rendez-vous mensuels. Même si le premier n'est pas à la hauteur de nos espérances communes, entre parenthèses, il y a déjà 300 000 signataires, comprenez que nous allons tous apprendre. En octobre 2020, nous serons des millions devant les mairies de France. Et bien avant cela, vous tous, individus et comités divers, vous aurez trouvé, imaginé, créé des milliers de vêtements de toutes tailles, de toutes sortes, en soutien à notre appel commun. Amis des coquelicots, rigoureusement tout repose sur vous. Vos idées et enthousiasmes, vos poèmes, vos cris, vos amis, vos enfants, votre joie de vivre. N'oubliez surtout pas de prendre des photos de tous les rassemblements et de noter les impressions avant de tout envoyer à l'adresse coquelicots@nousvoulonsdescoquelicots.org. Le site nousvoulonsdescoquelicots.org en rendra compte autant qu'il nous sera possible. Amis des coquelicots, votre présence est un bonheur. On vous embrasse, nous allons gagner. Signé l'équipe de Nous voulons des coquelicots. Voilà, donc ça c'est la présentation globale du mouvement. En effet, comme je l'ai bien compris, je rassemble à nouveau pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, c'est pour lutter contre les pesticides. Mais est-ce que vous savez pourquoi avoir choisi un coquelicot comme emblème ? J'imagine que le choix n'est pas anodin, Michel. Je peux en parler une minute. Les coquelicots disparaissent où il y a des pesticides. Et autrement, c'est une fleur qui très naturellement se reproduit sans problème. C'est quand même une fleur qui reste... Très résistante. Très résistante. Et bon, elle disparaît. Donc quand même quelque chose d'étonnant. Et puis c'est porteur de plein d'autres choses. Alors c'est vrai que je n'ai pas fouillé complètement la question, démarre l'action. J'ai encore relu des choses il n'y a pas longtemps, mais bon, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Et puis c'est quand même une très belle fleur. Et moi, au travers du coquelicot, qu'est-ce que je vois? C'est que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans l'action militante, mais ça a une couleur, c'est une fleur. Je crois que ça parle et que ça a été très très bien choisi et que ça ne peut être qu'un moteur, un appel supplémentaire en fait à l'appel. Et je voulais continuer, si c'est possible, de relire en fait le texte qui est fondamental. C'est le texte qui sera lu chaque fois qu'il y aura un rassemblement. Peut-être qu'on lira aussi ça. Oui. Donc ça, si je peux me permettre, je vais vous le lire. Mais je vous en prie. Donc c'est... Le texte qui sera envoyé et qu'on va reproduire tout le temps, tout le temps, tout le temps, dont nous voulons des coquelicots. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Or le vivant, je rajoute un petit commentaire, le vivant c'est tout ce qui nous environne. Et quand on lit ce livre, enfin, cet appel-là, manifeste, ils l'ont appelé comme ça, oui. C'est édifiant. Moi je l'ai lu en une journée, deux jours. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. J'étais bien sûr contre les pesticides, mais c'est édifiant, très intéressant, et ça ne coûte que 8 euros. Et ça vaut le coup vraiment de se plonger dedans pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, tout ce qui est vivant. Alors, ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans les nectars des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveaux-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. C'est celui que tu as cité là, tout à l'heure. Voilà, très vite, disons qu'ils savent très bien qu'il y a des choses qui seront interdites, ceux qui pilotent tout ça. Et aussitôt, ils remettent autre chose en place qui passe inaperçu au départ. Donc, je reviens au texte. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface, on peut parler de ça, est le nôtre, et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint, est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes. Donc rejoignez l'appel des 100, les 100 premiers qui ont lancé l'affaire, et dont toutes les personnes très connues qui ont signé cet appel. Donc l'appel, je répète, nous voulons des coquelicots. Alors si vous allez sur Internet, ceux qui vont sur Internet, tapent tout simplement « nous voulons des coquelicots », ça marche du premier coup. .fr ou .org en plus si on veut, mais ça tombe tout de suite, on tombe de suite, voilà. Puis après, je pense que plus tard, on parlera de notre action. Je pense qu'on parlera dans quelques instants de votre action, mais comme vous le disiez, hein, vous, vous êtes là pour protéger, en fait, pour lutter contre les pesticides et pour justement leur interdiction afin de faire que la nature soit plus belle pour tout le monde et même pour voler le chagrin des oiseaux, qui est d'ailleurs le titre de la première pause musicale qu'on va s'écouter, un morceau d'Émilie Loiseau, et on se retrouve juste après sur le 107. Un homme libre qui disait de tenir debout dans le vent. Comme elle est belle la lune quand elle s'élève, rejoindre la rumeur du printemps. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sous. Porterai un flambeau. Je réchaufferai la terre et créerai le chagrin d'hiver des oiseaux. Mon poème n'a pas de mots, il va au rythme du flot, du sang qui coule sur. De la côte comme elle est haute, la cime de l'arbre dans le ciel blanc. Si ta douleur est profonde quand la nuit tombe, moi je m'allongerai dedans. Je coucherai sous la terre à l'abri de la lumière, des larmes qui rejoindront. C'était un homme libre qui disait de tenir debout dans le sang, d'attraper la foi sauvage des sorciers, la rage pour tenir longtemps. Mon poème n'a pas de mots, il a le son du tonnerre et de son éclat sur la pierre. C'était « Vol le chagrin des oiseaux » d'Émilie Loiseau. Vous êtes toujours sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission « L'heure des loups ». Et on est toujours avec Michel Claudel et Daniel Valentin pour le mouvement « Nous voulons des coquelicots ». Si à tout instant un auditeur a envie de réagir à l'émission, n'hésitez pas à tout instant à nous envoyer un message sur notre page Facebook Radio Gémozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On a présenté les grandes lignes du mouvement, on va dire, et les appels lancés publiquement pendant cette première partie d'émission. Mais s'il y a une question que je me pose, je pense, c'est comment le mouvement est né et qui l'a fondé ? Daniel, la parole est à vous. Oui, donc qui a fondé ce mouvement-là ? Qui c'est qui se cache derrière ce mouvement ? Et l'association créée pour l'occasion ? Nous voulons des coquelicots qui regroupent une quinzaine de bénévoles parmi lesquels une directrice de crèche, retraitée, des décorateurs, une étudiante, une céramiste, deux paysans, une enseignante, une psychanalyste, des membres d'ONG, deux journalistes. Et la vaste campagne qui commence a besoin du soutien de tous, car tous, y compris des journalistes qui s'en feront l'écho, sont concernés de la même manière. Donc, déjà, ces 15 personnes-là, se sont raccrochées beaucoup de personnalités. Par exemple, la chanteuse que vous venez d'entendre, Émilie Oiseau. Et vous connaissez peut-être aussi le paysan philosophe Pierre Rabhi, pour ne nommer que lui. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà raccrochés à ce mouvement-là, connus. Il y a Artus Bertrand. Exactement. Donc, chacune doit trouver la manière sincère et intime de répondre cet appel, de manière à ce qu'il devienne viral et atteigne le moindre recoin de la société. Pour la raison évidente pour nous qu'il n'est pas une parole écologiste ou politique, mais bien un appel d'humain, à tous les autres humains. Pour nous, c'est l'heure, elle ne repassera pas. Cet appel se décompose ainsi. D'abord, bien entendu, nous invitons tous et toutes à le signer. Nous voulons des coquelicots. Et à cette occasion-là, un livre a été édité. C'est également « Nous voulons des coquelicots », co-signé par Fabrice Nicolino, qui est un journaliste de Charlie Hebdo, et François Bellerette, directeur, vous connaissez peut-être, de l'association Génération Future. Cette association-là est reconnue au niveau national et participe à tout ce qui est donc discussion concernant les pesticides. Ils travaillent énormément, ils dénoncent énormément. Et d'ailleurs, récemment, ils ont également participé, et vous verrez, vous pourriez lire dans leur livre, c'est-à-dire dès l'apparition, que je ne connaissais pas moi-même, de nouveaux pesticides, avec un nom barbare qui s'appelle donc, c'est le inhibiteur de la succinylate déshydrogénase. Moi, je ne connais pas, c'est complexe comme nom, SDHI, appelé comme ça. Et on a trouvé qu'en fait, ces pesticides-là, cette nouvelle catégorie de pesticides, elle est balancée sur environ 80% des surfaces de blé et d'orge d'hiver. C'est censé éliminer les champignons. On en asperge aussi les semences, le raisin, les agrumes. C'est un danger terrifiant. Ça entraîne, cette enzyme cruciale pour la respiration des champignons entraîne leur mort. Donc, vous voyez un peu comme la terre est soignée. Ça tue naturellement tous les micro-organismes. Et donc, ça se répercute directement dans notre alimentation. Et on va encore s'étonner, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les gens chopent toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, Parkinson, obésité, chez l'enfant, beaucoup de nervosité, toutes ces choses-là. Et chez la femme enceinte, ça peut aller jusqu'à avoir des malformations chez le bébé, parce qu'il faut savoir, et ça je tiens à le dire également, tout un chacun contient les pesticides. D'ailleurs, même, je ne veux pas être confus, récemment, 51 personnes d'Ariège, très récemment, on vient de faire une prise de sang. Ils ont constaté que leur prise de sang, il y avait des taux qui étaient jusqu'à 51 fois plus haut que la normale, c'est-à-dire 51 milligrammes par milligrammes par litre, ouais, c'est ça, alors que la norme, c'est de 1 milligramme par litre maximum. Donc, c'est microgramme, pardon, pas milligramme, microgramme. Et donc, c'est dramatique. Donc, ces gens-là vont porter plainte, et notamment contre l'Europe. Pourquoi ? Pour empoisonnement. Parce qu'on est tous empoisonnés. Des gens qui ne mangent que, même s'ils mangent, on va dire, sainement, pour ne pas employer le terme bio, sont également empoisonnés. Pourquoi ? Parce que ces pesticides-là, ils ne se trouvent pas que dans la nourriture, mais ils se trouvent aussi dans l'air et dans l'eau que nous absorbons. Et également dans le vin, si vous en buvez. Et donc, le vin, d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, le vin, je crois que la production, la surface de production de vignes, ça doit être 2 à 3, 2, vaguement, comme ça, 2 à 5 % du territoire. Et ils utilisent, je crois, 20 % des pesticides, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, donc, dans le vin, il y a une concentration énorme, énorme de pesticides. Et même les vignerons qui sont en bio, et ça c'est un vigneron bio qui me l'a dit, enfin qui nous l'a dit, on était plusieurs, lui il est bio, mais il dit voilà, à côté il y a des pesticides, et moi je suis bio parce que chez moi, mais malgré tout je ne peux pas certifier que je suis bio vraiment à 100%, parce que évidemment ça passe au travers, hein, voilà. Oui, bien sûr, ça passe par les sols, ça passe par l'air, et voilà, on est littéralement contaminé, hein, les sols, l'eau, et enfin. Pour compléter, si je peux me permettre, il y a sur tous les auditeurs là qui sont intéressés par la problématique là, ils peuvent aller sur le site qui est très bien fait et ils trouveront des vidéos. Notamment, il y a une vidéo qui est sympa, elle ne dure pas longtemps, c'est moins d'une minute. C'est une dame qui témoigne, qui dit « Moi, je nourris mes enfants avec du bio, enfin, d'une manière très naturelle. On a fait des analyses de cheveux et mes deux enfants ont des pesticides dans les cheveux. » Donc c'est quand même un peu problématique. Il me semble avoir vu ce reportage aussi. C'est très marrant. Oui, c'est problématique de voir à quel point, même si on veut avoir un mode de vie sain, on est complètement empoisonné, parce que c'est le système qui nous empoisonne. C'est tout le vivant qui est... Clairement. Le vivant, c'est plein de choses, on ne se rend pas compte. Hein. Dans l'herbe, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ça ne vous donne pas des frissons, le fait que 80% des insectes ont disparu? Je ne savais pas qu'il y en avait autant, mais 80%, j'ai eu un immense frisson tout le long du dos. Là. Donc, c'est terrible. Donc, rien que cette image-là, bon, ça fait peur, hein, parce que quand vous descendiez dans le sud en voiture il y a 20-30 ans, il fallait nettoyer le pare-brise. Maintenant, on ne le nettoie plus. Donc, c'est une évidence. Mais voilà. Et donc, tout est atteint, quoi, si vous voulez. Hein. C'est dramatique. C'est plus que dramatique. Et c'est la grosse sonnette d'alarme que nous tirons pour tout le monde, parce que tout le monde doit vraiment être conscient de ça et refuser un peu, cet aspect des choses. C'est un peu comme réchauffement climatique, c'est exactement le même type de combat. Hein. Les gens ne s'aperçoivent pas qu'on va vraiment dans le mur et tout ce qui se passe. C'est tout simple à dire, mais il faut que les gens en prennent vraiment conscience et qu'ils se disent qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ? Quel est mon comportement ? Changer de comportement, changer de nourriture, etc., etc. C'est très complexe, mais je crois qu'on peut tous y arriver. Mais pour tous y arriver, il faut qu'on discute tous ensemble, qu'on échange et puis qu'on comprenne qu'est-ce qui nous arrive. En effet, on doit le comprendre. Je pense qu'on parlera dans quelques instants de comment est-ce qu'on peut agir à son échelle. Mais juste petite info, je pense, dont on n'a pas trop parlé. Ça fait combien de temps que le mouvement Nous voulons des coquelicots est né ? Est-ce que vous le savez concrètement ? Je ne sais pas si on a une réponse. Non, c'est le mois de septembre. C'est très récent. C'est très récent, c'est le mois de septembre. On a été même pris de court pour le premier rassemblement du 5 octobre. Ouais. On a eu quoi, 15 jours pour se retourner, on dit. Je crois comprendre, c'est le 12 septembre que c'est le mouvement est né. Donc il est... Voilà. Je l'ai entendu, donc j'avais l'info, et j'ai pris un Charlie Hebdo, oui. Et peut-être que là j'ai la date exacte, je vais vous le dire tout à l'heure, je dois l'avoir là. On va peut-être chercher l'information pendant la pause musicale, mais en attendant, le groupe Imouvrini a adressé une lettre aux enfants, parce que si on se bat aussi, c'est pour nos enfants ou les enfants de nos enfants. Enfin bref, on s'écoute leur morceau, leur live d'ailleurs, dont j'ai cru comprendre que les paroles étaient très engagées. Oui. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. L'époque que nous traversons, mes amis, porte son lot d'incertitudes. Mais devant nous, il n'y a pas un mur, mais un immense projet de réconciliation. Réconciliation avec les droits de l'âme, ça existe, les droits de l'âme. Réconciliation avec la terre-mère, avec notre équipement de vie. Les neurosciences nous l'apprennent aujourd'hui, la violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. Et c'est maintenant dans nos cœurs, dans nos gestes, que tout commence. Mettre cette intelligence à la une du monde. Mais nous ne pourrons pas semer de graines les poings fermés. Les paysans nous l'apprennent. Pour semer, tu dois ouvrir les mains. 195 pays se sont réunis récemment. C'est un premier pas dans la bonne direction pour essayer de sauvegarder cette planète. Je vous ai apporté un cadeau ce soir. Ce pourrait être notre compte pour la planète en 2016. C'est un texte de Marie Desplechin. Je fais le compteur et vous faites le ciel étoilé. Chers amis, ce texte s'adresse aux enfants, mais nous sommes tous des enfants. Les goûts d'un enfant de 7 ans sont simples et peu coûteux. Dormir dans une cabane, jouer avec un chien, se faire de nouveaux amis pour jouer au ballon. Cet enfant n'a aucunement besoin d'un sac à 3 000 euros. un palace qui s'illumine la nuit, trois voitures ou un avion privé. Il n'a pas forcément envie de partir en vacances à l'autre bout du monde tous les quatre matins, de tuer un lion ou de gagner 100 000 dollars par jour. Parlez-lui plutôt d'un pique-nique avec des amis et un chien au bord de la rivière. Apportez la salade de pommes de terre et vous verrez qui a raison. C'est la première chose que je voulais vous dire. Vous allez grandir. N'oubliez jamais la personne que vous étiez à 7 ans. Ni le chien, ni le pique-nique au bord de la rivière. Ni la salade de pommes de terre. La vie ne pourra pas nous apporter mieux. Tout ce que l'on peut accumuler de richesses dans son existence ne sert au final qu'à cela. Partager un pique-nique avec de bons amis, un chien au bord de l'eau. Maintenant, je vais vous parler de l'état de la planète, la Terre. La planète sur laquelle, par laquelle et avec laquelle nous vivons n'en peut plus. Elle a quelque chose comme une très grosse fièvre. Le système vivant qu'elle abrite peut en mourir. Les poissons, les chiens, les hommes. Nous, vous avez peur? Ça vous fait peur? Normal, moi aussi j'ai peur. Et je me demande comment les gens autour de moi ne sont pas morts de trouille. Je vous préviens. Il va y avoir deux moments dans ce que je vais vous dire. Un moment extrêmement désagréable qui sera suivi d'un moment particulièrement exaltant. Vous êtes prêts? Faut que vous sachiez que les 10 ans qui viennent ont été appelés la décennie zéro. Pourquoi? Si dans les 10 ans, les hommes n'ont pas réussi à stopper l'augmentation de la température, c'est fichu. Fichu pour la Terre, pour la petite planète bleue. Par ailleurs, si les hommes n'arrivent pas à limiter la hausse de la température à 2 degrés dans les 2 ans qui viennent, il y a de fortes chances que les choses leur échappent. Ça veut dire quoi que les choses leur échappent? Ça veut dire bienvenue les catastrophes. Les glaces disparaissent, les océans débordent. Les tempêtes sont de plus en plus violentes, les pays chauds deviennent des déserts brûlés. Les pays plus froids sont noyés sous la pluie. La mer devient acide. Les espèces marines disparaissent. Les forêts sèchent sur pied, les races animales s'éteignent. Et à la fin, de toute façon, quand les océans ont monté de 6 mètres, bye bye les hommes. J'aimerais bien exagérer, mais je suis obligé de vous dire que tous les gens sérieux qui étudient le climat, la forêt, la mer, les espèces, sont tous d'accord sur le scénario du film. 2 ans à regarder ailleurs, 10 ans à se tourner les pouces, et c'est la grosse vague qui bouffe tout. Avant qu'on dise aux émotifs de se déboucher les oreilles, il faut peut-être que je vous explique pourquoi elle monte cette température. C'est pas la faute à pas de chance, c'est la faute à nous les hommes. Les hommes considèrent la Terre comme un frigo géant où il n'y a qu'à se servir, puis comme une poubelle géante où jeter leur saleté. Tant qu'on n'était pas très nombreux sur Terre et que les outils étaient plutôt rustiques, c'était pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'en assez peu de temps, nous sommes devenus plus nombreux, très nombreux, et que ce n'est pas fini. Et que dans le même temps, nous avons inventé des machines fort pratiques qui fonctionnent en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Toutes ces machines et même l'agriculture aux engrais chimiques ont vomi des tonnes de gaz dans notre petite couche d'air. Année après année, tous ces gaz ont fabriqué une sorte de loupe. Vous avez déjà essayé de faire passer des rayons de soleil à travers une loupe? La chaleur se concentre, ça brûle. Eh bien, ça vous explique ce qui est en train de se passer. Et les hommes? Ils voient rien, les hommes? Ils ont la tête dans le sable ou quoi? Résultat, jamais la température n'a augmenté si vite que ces 10 dernières années. Et justement, c'est là que j'arrive à la deuxième partie, la partie exaltante. J'ai la joie de vous informer qu'il est encore possible, très possible, de maintenir l'augmentation de la température et de la faire diminuer. Bon sang, nous avons inventé tous les outils nécessaires pour obtenir de l'énergie sans rejeter de gaz. Grâce au soleil, au vent, au mouvement des marées, à la biomasse. Partout dans le monde, des paysans ont mis au point des méthodes efficaces pour cultiver la terre sans y verser toute la boîte du petit chimiste. Il ne dépend de nous, les humains, de garder les énergies fossiles là où elles sont, dans le sol, et de nous nourrir, nous éclairer, nous déplacer, nous chauffer sans elles. Cette histoire de climat, voilà où je voulais en venir, est en vérité la bonne occasion de changer le monde. Le vieux modèle est périmé. On va reconstruire la baraque, c'est pas formidable ça? Reste juste à convaincre 7 milliards de copains. Ils ont intérêt à se retrousser les manches et ça commence par 1, plus 1, plus 1. Il est temps de compter sur nous, 1, plus 1, plus 1, jusqu'à 7 milliards. Et ça commence par moi. Ne nous laissons pas avoir par les petits arrangements. Arrête de rêver. Trouve un emploi. Prends un crédit. Cherche un loisir. Cherche pas à comprendre. Laisse faire ceux qui savent. Sois raisonnable. Apprenons à réfléchir, à désobéir, à inventer des cabanes. Donnons-nous du mal pour cela. Et rappelons-nous que pour arriver à ce pique-nique au bord de la rivière, il nous faudra encore sauver les amis, le chien, la rivière, et même les pommes de terre. Mais alors, quel bonheur ce sera de nous retrouver entre amis sur la terre. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours à parler avec Michel Claudel et Daniel Valentin du mouvement Nous voulons des coquelicots. Vous avez écouté à l'instant le morceau Aux enfants, le pique-nique de Imouvrini. Et si vous voulez réagir, comme d'habitude, page Facebook Radio Gémozo ou au téléphone 03 29 62 40 40. Juste avant la pause musicale, tant qu'on y pense, Daniel, vous étiez en train de chercher une information pour savoir précisément quand le mouvement Nous voulons des coquelicots est né. C'est né tout simplement le 12 septembre dernier, donc c'est très récent. Voilà, donc... Et donc, on en est déjà à 300 000 signatures, ce qui est énorme pour nous. Oui. Et je pense que, comme Michel va le dire, nous avons été agréablement surpris après-midi par des signataires. J'en parle maintenant ? Mais avec plaisir. Eh bien, bien sûr. Donc, nous sommes allés cet après-midi à la sortie de l'école à Thiéfosse, puisque dans l'action dont on va parler tout à l'heure, à chaque village, on ira sensibiliser les parents d'élèves, les agriculteurs, enfin, la municipalité, on va voir tous les associations aussi qui sont dans chaque village. Donc on a été très très bien accueillis par les parents d'élèves de Thiéfosse aujourd'hui. On a déjà, il n'y avait quand même pas énormément de parents à l'école, on a déjà 15 signatures papier. Donc, ils nous ont très bien accueillis. Certains ont dit qu'ils allaient être là au rassemblement, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, j'ai entendu, en prêtant une oreille, une maman qui disait à son gamin, tu sais, c'est important. Elle viendra aussi à la réunion, au rassemblement. Elle a dit, tu sais, c'est important, parce que le gamin, il se disait, c'est quoi ça, les pesticides? Mais tu sais, c'est tout, on a vu à la télé, ces enfants qui ont des malformations, qui n'ont pas de bras, etc., tous ces problèmes de cancer et tout ça, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc là, je crois qu'on touche au cœur du problème et voilà, c'est très bien, ça nous fait très plaisir. Et puis aussi, on a eu on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Je voulais aussi, dire quelque chose, des échanges, enfin une discussion que j'ai eue avec un paysan qui est à Langres. Il a des bêtes et donc il nourrit, il fait des champs de maïs, il fait plein de choses pour nourrir ses bêtes. Et lui, il se pose énormément, énormément de questions. Et il dit, je deviens presque fou, je ne sais plus quoi faire. Et lui, alors j'étais surpris, hein, parce que bon, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, très sensible. Mais il a dit, il faut tout interdire, il ne faut pas faire de demi-mesure. Il faut arrêter, il ne faut pas discuter là-dessus. Il dit que ce n'est pas possible pour qu'on soit, je pense, tous à égalité en agriculture. Il dit qu'il faut arrêter, on ne discute pas, c'est des poisons, etc. Donc, bon, là, quelqu'un qui a combien de bêtes, 150 ou 200 bêtes, c'est pas n'importe quoi. J'ai vu tous les tracteurs qu'il a. Je dis, voilà. Oui, si lui le dit... C'est que c'est probablement nécessaire. D'ailleurs, petit rappel sur les différents types de pesticides, ou rappel assez rapide, il me semble, Daniel. Est-ce que vous pouvez indiquer le nom de quelques pesticides? Parce que c'est vrai qu'on dit les pesticides... Je vais vous donner quelques exemples, effectivement. Donc, pesticides, dans pesticides, il y a peste et puis il y a surtout cides. Et quand on dit cides, c'est mort. Donc, en fait, ce sont des produits qui créent la mort, qui détruisent. Donc, dans ces fameux pesticides, il y a naturellement les fongicides et les herbicides, par exemple. Et donc, dans ces herbicides, vous avez le fameux glyphosate vendu sous l'appellation commerciale Roundup, donc, qui malheureusement, donc, l'autorisation est reconduite pour 5 ans en France, et donc des chars de 41 députés, à 4h moins le quart du matin, on fait en sorte que la reconduction soit faite pour 5 ans, non pas pour interdire au bout de 3 ans, quoi. Donc c'est merveilleux un petit peu le monde dans lequel nous vivons, et c'est même dramatique. Donc ces produits-là sont donc faiseurs de mort. Pesticides égale faiseurs de mort. Donc voilà. Alors, dans ces fameux pesticides aussi, il y a les fameux perturbateurs endocriniens, donc, qui sont des produits qui peuvent imiter les actions des hormones naturelles. Et donc, ça aussi, c'est dramatique. Ils font partie des pesticides. Et on peut rappeler naturellement tous les ravages que ça fait à tout niveau, de toute façon. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça peut aller des malformations infantiles à la diminution du coefficient intellectuel des enfants. Et ça, c'est prouvé, c'est dramatique, ça. Comme ça joue, ça peut aller sur Parkinson, ça peut... En fait, ça ne fait que comment dire, que c'est des oiseaux de malheur, façon de parler, quoi. C'est dramatique ce que nous vivons avec ces produits-là. C'est dramatique, en effet. Et il y a plusieurs branches, hein, de pesticides. On avait parlé d'herbicides, de fongicides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, j'ai pu en tête vraiment tous ces produits-là parce que ça se mélange vraiment dans ma tête tellement il y en a, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez parlé volontairement des perturbateurs endocriniens. Vous avez également les fameux néonicotinoïdes, quoi. Donc, qui tueurs d'abeilles. Donc, ça, c'est des produits extrêmement dangereux aussi. Donc, tout ce qui est utilisé, donc tous ces produits chimiques, détruisent. Tous ces produits chimiques détruisent, comme on le disait, hein, ils sont partout et ils causent bon nombre de problèmes. Hein. Déjà, ils dérèglent complètement la nature. Vous avez dit plus de 80%... 80% des insectes ont disparu. C'est aberrant, c'est énorme, c'est colossal, enfin, le mot. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, on s'aperçoit que beaucoup d'oiseaux disparaissent, de plus en plus. Donc, il y a eu un appel au secours fait par Oiseaux Nature, association bien connue ici dans la région. Oui. Donc, il tire une sonnette d'alarme tellement il y a d'oiseaux disparaissent. Et il y a également un oiseau emblématique qui est en train de disparaître dans le cadre naturellement de la disparition de toute cette biodiversité. C'est le fameux tétra, coq de bruyère. Donc, en 1975, il y avait à peu près 500 spécimens. Maintenant, il n'y en a plus que 50. Donc, ce tétra-là est appelé à disparaître très prochainement dans les Vosges, vous ne le verrez plus. Donc, il y a quand même des questions à se poser. Tout ce que nous notre génération, parce que nous avons environ 70 ans, tout ce que nous avons vu, nos enfants risquent de ne plus le voir et nos petits-enfants ne le verront jamais. Donc, c'est dramatique de voir ça. On va dire, tu regarderas, tiens, on lui montrera un catalogue, voilà ce qui existait il y a 10 ou 20 ans, et puis voilà, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, ça va disparaître. Est-ce qu'on va accepter que tout ça disparaisse, toute cette merveilleuse nature se casse la figure autour de nous? Si on réfléchit un tout petit peu, on peut dire c'est un cauchemar qui est en train de se préparer là. Donc je ne veux pas être je ne suis pas de question de nature d'être pessimiste, mais on a le droit quand même de se poser des questions, et puis et surtout on a surtout le droit de se battre, de combattre, et c'est un beau combat que de vouloir que ces pesticides s'arrêtent. Il n'y en ait plus, tout simplement. Mais c'est un crime contre le vivant. Oui, Le vivant. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas vraiment. En fait, il y a des maladies qui se déclenchent, il y a des malformations. Alors, progressivement, on arrive un peu à savoir d'où ça vient. Mais ça ne se voit pas comme ça. Ça ne se voit pas. C'est vrai que le réchauffement climatique, on le voit plus, c'est plus visible. Mais les pesticides, c'est... Alors, revenons aux moustiques. C'est vrai, c'est quand même paradoxal. Quand je partais en vacances, moi, avec mes deux chevaux, quand on arrivait à atteindre les 90 à l'heure, c'était bien tout. Et il y avait des moustiques pleins de pare-brise, effectivement. Tout le temps, on nettoyait le pare-brise. Et on nettoyait les carrosseries. Il y avait plein de moustiques. À l'heure actuelle, on va sur l'autoroute, on roule à 120, à 130, et il n'y a plus de moustiques, ni sur le pare-brise. On va plus vite. Oui. Donc on devrait en écraser plus, logiquement. Techniquement, hein, oui. Et en capter plus. Eh bien, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. Et en fait, il y en a qui nous ont mis le doigt là-dessus, mais effectivement, c'est le constat que tout le monde peut faire. Alors, voilà. Ces moustiques, qu'est-ce qui devrait arriver, hein? Les moustiques, c'est la nourriture des oiseaux. Ah oui. Mais justement, si les oiseaux n'ont plus à donc manger... Donc les chaînes alimentaires sont en train de se détruire, oui. C'est comme les poissons. C'est en train de se détruire. C'est un peu le même phénomène. C'est tout un engrenage, tout un effet domino, en fait. Effet domino, un scénario catastrophe qui pourrait arriver si rien ne change. Mais il n'est jamais trop tard, je crois. Ah, ça me fait penser au mouvement « Il est encore temps » dont j'avais parlé dans mon billet de sortie, pour que nous vivions dans une belle montagne. Et d'ailleurs, la montagne, c'est le titre de la dernière pause musicale que nous allons écouter, à titre de Jean Ferrat, et on se retrouve juste après. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. C'était La Montagne de Jean Ferrat, toujours sur Radio Guémozo 107FM dans l'émission L'Heure des Loups. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez à interagir via notre page Facebook Radio Guémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de discuter avec vous. Nous sommes toujours avec le mouvement Nous voulons des coquelicots. Et justement, on arrive tout doucement à la conclusion de notre émission. Mais s'il y a une question que je me pose et qu'il faut poser maintenant, c'est avec la nature qui est en train vraiment de décrépir, hein, on le voit, les espèces disparaissent, insectes, les oiseaux s'en vont, nous avons une qualité de vie qui est quand même de plus en plus mauvaise. Est-ce que nous allons laisser faire? Et la réponse est non, avec le mouvement Nous voulons des coquelicots. D'ailleurs, si vous êtes là aussi ce soir, c'est parce que vous organisez des rassemblements. Et ça va être la chose dont on va parler pour les dernières minutes à venir. Les rassemblements en question pour Nous voulons des coquelicots. Michel, je vous laisse la parole. Oui, ben voilà, quand l'appel est arrivé, il dit faut qu'on fasse quelque chose. J'en ai discuté avec mon épouse. Et puis, elle, ben oui, on va aller sur la place à Saint-Amé. Puis je lui dis, la place Saint-Amé, tous les mois. Ah, je lui dis, il faut qu'on élargisse un petit peu, il faut qu'on aille voir un petit peu ailleurs. Je lui dis, écoute, il y a la vallée de la Moselotte. Là-haut, il y a des, ben, il y a une AMAP, il y a un marché de producteurs, il y a, comment je veux dire, je suis un ancien ballast, donc on avait, quand on a mis en route l'affaire ballast, on a eu beaucoup de, on a eu un travail intéressant, on a eu beaucoup de militants, j'ai dit, ça doit être un endroit où ça devrait bien pouvoir démarrer. Alors on a choisi Piéfos comme premier rassemblement. Puisque là, il y a une AMAP, il y a un marché producteur, de producteurs. Donc on s'est dit, et il y a beaucoup de monde à ce marché de producteurs qui marche très bien, qui est ouvert tous les samedis matins. Donc, alors on va démarrer par Tiefos. Alors je vais vous lire un petit peu ce que localement on a écrit et que l'on va diffuser autant que possible. Alors c'est la suite de l'appel que j'ai lu tout à l'heure, là. Ainsi est lancé cet appel que nous nous empressons de relayer. À notre niveau, dans nos villages, vallées, villes, nos associations, nous vous invitons à signer l'appel sur le site nousvoulonsdescoquelicots.fr, à relayer cet appel à votre carnet d'adresses et à votre entourage. Là, il faut que ça se multiplie à fond. À porter à la boutonnière, à apposer « Nous voulons des coquelicots, stop aux pesticides ». Donc là, on porte ça. Et ça, ça marche bien. C'est notre légion d'honneur. Notre légion d'honneur. J'ai marché il n'y a pas longtemps avec... Je suis marcheur avec un groupe de marcheurs. Ils m'ont tous posé des questions. Et ils m'ont demandé de que je leur envoie tout ça, quoi. Parce qu'ils ont tous signé, là, déjà, informatiquement, le truc. Et ça a mordu comme pas possible. Et même des jeunes qui tenaient le chalet hôtel du Grand Ballon, là-haut... ces deux jeunes qui tiennent ça, ouais, super, on y va, on y va. Donc, déjà, c'est tout ça. Et puis, alors, donc, on invite tout le monde à nous rejoindre, donc, pour ce premier rassemblement de la vallée, le vendredi 2 novembre à Tiefos, place de la mairie, à 18h30. Ça, c'est un premier, voilà. Alors, c'est quand même important, on va là, mais on va pas quand même se regarder comme ça, puis dire, les pesticides, c'est dégueulasse. On va faire aussi autre chose. On va donner une ambiance conviviale à ces rassemblements, en se retrouvant à boire, grignoter, sans pesticides et sans plastique. Alors, il faudra pas oublier d'amener son bol et son verre, avec des chants, de la musique, partager ce que chacun apportera. Les artistes, musiciens, volontaires ou autres pourront animer ces rencontres. Des mots limités au champ des pesticides, sans pesticides. Comme dans l'esprit de l'appel national lancé, donc nous, on tient vraiment à respecter l'esprit de l'appel national, ce rassemblement dans les villages, etc. Et on ne parle pas d'autre chose. C'est à chacun qu'il appartient de s'engager, de manifester son refus de tout pesticide. Puis nous déciderons en commun des thèmes compte tenu de nos prochaines rencontres sur la vallée de la Moselotte. Bon, évidemment, c'est un mouvement qui peut évoluer avec les idées et qui se voudront toujours plus massives. Donc, par exemple, on va inviter ceux qui étaient à Tiefos à revenir à Vannier le mois d'après. Et puis, etc. Rejoignez, animez ce mouvement citoyen qui n'appartient qu'à chacun de nous. Agissons ensemble. Les dates des prochaines rencontres, je le dis brièvement, donc après, ça sera tous les mois. Donc après, il y aura Vannier, il y a Saulsure, Saint-Amé, Cornimont, Dommartin, La Bresse et Remiremont, le 7 juin. On va essayer de garder ces dates, on gardera les dates, c'est sûr. Tous les premiers vendredis du mois. Tous les premiers vendredis du mois. Après, à Remiremont, comme on parlait tout à l'heure, si on peut lancer un appel... De quelqu'un qui voudrait démarrer quelque chose sur la vallée de la Moselle, ce serait très bien. Et on se retrouverait à Remiremont, le 7 juin, par exemple. Oui. Alors, nous, on ne connaît pas trop de monde sur la vallée de la Moselle, mais comment on démarre? Il y aura peut-être quelqu'un qui voudra copier. Hein, la voie verte, elle a bien démarré sur la Moselle. On peut faire les coquelicots sur la vallée de la Moselle aussi. Hein, Avec plaisir. Voilà. Alors, si vous connaissez du monde, il ne faut pas hésiter. Et si on se retrouvait tous armément, comme disait Daniel tout à l'heure, ce serait formidable. Je termine en disant que le mouvement est engagé pour 2 ans. Pour obtenir 2 à 3, non, ce n'est pas 2 à 3, c'est 5 millions de signatures de l'appel. Et puis voilà. Donc, peut-être, alors, maintenant, dire à Tiefos un petit peu ce qui se passe. puisque je suis, avant de voir les parents d'élèves tout à l'heure, je suis allé voir donc Yann Pierrel, qui est agriculteur bio et qui est un des producteurs de la MAP de Thiéfosse. Et Yann, il m'a dit, ah ben oui, oui, oui, je pensais venir. Et puis il me dit, je vais amener de la soupe. Donc voilà. Daniel amène quoi ? Rien. Rien. Il n'amène rien. Si, mais si, si, du vin bio. Du vin bio, du vin chaud. Michel, il fait du pain, il va faire du pain bio. Voilà. Et puis on va faire de l'houmous ou de la tapenade. Et puis, voilà. Puis il y aura plein d'autres choses. Et puis peut-être qu'on aura un musicien ou deux, on verra bien. Donc ça va tourner comme ça, il faut que ce soit un côté convivial. Mmh. Et je pense que notre première, le début de notre rassemblement se voudra sérieux. Oui, on verra ce qu'on lit, dans tous les cas on lira au moins l'appel, le minimum là. Avec des côtes de Castillon, c'est ça, oui. Hein? Et puis, puis voilà, c'est tout qu'on soit plus, toujours plus nombreux, qu'on soit très nombreux à signer, et qu'on soit beaucoup de monde. Alors, aussi, ben alors là, cette fois-ci, je termine pour de bon, parce que je suis trop bavard. On va envoyer dans chaque municipalité, il y aura les rassemblements. On l'a envoyé au moment où on fait le rassemblement dans le village. On va envoyer une demande de motion accompagnant le mouvement, une motion que établiront les conseillers, le conseil municipal ou pas, s'ils veulent, pour accompagner, pour donner plus de poids à l'action. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents rassemblements. Donc on rappelle vendredi 2 novembre à Thiéfosse. Je l'ai fait vite, mais je les rappellerai bien entendu le moment venu. Vendredi 7 décembre à Vagnier, vendredi 4 janvier à Saulsure, 1er février à Saint-Amé, 1er mars à Cornimont, 5 avril à Dommartin, Lirmiremont, 3 mai à La Bresse et 7 juin à Armiremont. Dans tous les cas, c'est toujours un vendredi. Et au-delà de ces rassemblements, dernière chose peut-être, si quelqu'un donc, a signé la pétition et va venir au rassemblement. C'est on n'appelle pas ça une pétition. Hein, c'est un appel, c'est ça. Un appel. et donc, je disais, pour ceux qui ont signé l'appel et qui vont se rendre au rassemblement, ce qui est déjà une très bonne chose, est-ce qu'il est aussi possible d'agir au-delà ? Pour l'instant... C'est déjà, bon, effectivement, prendre conscience de ces produits-là, prendre conscience qu'on a une force, que nous sommes une force. Si nous, effectivement, si le mouvement, mais même déjà, le mouvement grossit à grande vitesse, donc il n'est pas possible à nos yeux qu'on ne soit pas écouté et que vraiment tout le temps chacun prenne conscience de ce phénomène-là qui doit déboucher. Il faut que ça débouche sur ces arrêts de pesticides. Effectivement, on peut penser que chez nous, ben, dans les Hauts-de-Vosges, on n'est pas tellement touché parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs, pour dire. Hein, on n'utilise pas de pesticides par au-dessus. Mais on est touché par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons, par ce que nous respirons. Et là et ne serait-ce que ça, ne croyez-vous pas, quand les viticulteurs alsaciens balancent leurs pesticides, qu'on en respire ? Bien sûr que si. Les pesticides, ça vole, parce que les pesticides, ils ne retombent pas. Quand ils sont vaporisés, il y a à peu près 25% qui retombent sur le sol. 75% part dans l'air. Vous vous rendez compte ? Donc vous en absorbez, obligatoirement. Donc voilà, on n'est pas du tout protégé. On n'est absolument pas du tout protégé, parce qu'on est dans des belles montagnes, pas du tout. Oui. Alors, au marché des producteurs à Thiéfosse, on va y aller la semaine prochaine. On va distribuer notre papier à toutes les personnes qui viennent là. Et un des responsables du marché a dit, mais on va vous faire une place dans le marché. Hein, on ne va pas rester dehors à donner notre papier. On va vous faire une place avec une petite table et tout ça dans le marché. Comme ça, vous pourrez discuter avec les gens, signer les pétitions. Bon, je dis que ça, c'est beau, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Oui. Et aussi, au-delà de la pétition... Oui, moi aussi je le dis. L'appel, au-delà de l'appel qui est signé, des rassemblements en nombre que l'on souhaite, il y a aussi le fait que à chaque fois on parle de nourriture saine, de préférence bio, et déjà ça interpelle tout le monde, consommateur comme producteur, puisque je connais un producteur qui, lui... ce qu'il fait là, bon, je ne veux, veux pas nommer, mais ce qu'il fait n'est pas... Enfin, il a du bio, mais il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas bio. Mais je pense que quand on... Simplement, ce mouvement-là, et en discutant avec lui, ben lui, à quelque part, il va se dire, attends, ce que je fais là n'est encore pas bio, mais il faudrait peut-être que je me dépêche d'y passer. Parce qu'il va y avoir un appel, puis il va prendre... Tout le monde prend conscience. Donc, je veux dire, derrière ça, il y a quelque chose. Parce que ce qui sera consommé qui est bio ne sera pas ça n'entraînera pas de vente de pesticides supplémentaires, au contraire ils iront se les garder, leurs pesticides. Et ça finira en un cercle vertueux et un monde plus beau et plus propre, espérons-le. En tout cas, voilà, c'est Michel et Daniel pour le mouvement Nous voulons des coquelicots, pour l'appel Nous voulons des coquelicots. Donc on peut trouver le site internet à nousvoulonsdescoquelicots.org ou sinon la page Facebook Nous voulons des coquelicots, que j'intégrerai avec le podcast de l'émission parce qu'il est hélas déjà 19h. Donc c'est l'heure de faire la programmation. On se retrouvera à 20h avec Débat des Hauts. On va parler cette fois de véganisme, alors accrochez-vous bien. Puis à 23h, ce sera Rock à la Casbah. Puis on se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et si vous ne voulez pas attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site internet et sur notre page Facebook, Radio Guémozo. Et ah oui, je disais site internet, radioguémozo.eu, émission et rediffusion, l'heure des loups. Dans tous les cas, j'étais très content de faire cette émission. Ah oui, et puis après, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc après la rediffusion, Les Secrets de Mathilde à 8h et 8h30, la matinale de Marion, qui vous racontera ce qui se passera demain. Michel et Daniel, merci beaucoup pour toutes vos informations. Merci beaucoup de nous en avoir dit beaucoup plus sur cet appel. Nous voulons des pesticides. En tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance et j'espère sincèrement que la prise de conscience se fera de manière collective. En tout cas, voilà. Merci pour votre temps, c'était très sympathique. Merci beaucoup à vous. Et merci aux auditeurs qui ont suivi l'émission, comme d'habitude. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt sur le 107.